pose ce transistor. Complètement crétin, ce gamin. La rage avec Xavier. Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Donc toujours sur les micros de la rage, on vient de voir, on vient d'entendre plutôt, parce que vous ne voyez pas, c'est le principe de la radio, on entend. On vient d'entendre donc Marion et Olivier, et là on a le chef, la tête pensante, le haut du panier, si j'ose dire, de l'association qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors, la tête pensante, c'est un grand mot quand même. Hein. tout simplement, donc moi je suis Valérie et j'ai fondé l'association La Petite Fabrique de Cirque il y a 3 ans maintenant, sur Beaulieu-les-Loges, sur le territoire lauchois. Parce que ça fait très longtemps que je fais du cirque, voire plusieurs années, je ne compte plus maintenant. En passion, en passe-temps hobby avant, avant de j'ai créer démarré en passe-temps hobby en école de cirque en fait, mais de loisirs. Voilà, je faisais du cirque après l'école, après le lycée. Ouais. Et un jour, j'ai décidé d'en faire mon métier. Mmh. Donc, j'ai fait une école de cirque, l'école de cirque au Québec. Ouais. Où là, bah, j'ai appris le métier à la fois d'artiste et puis bah, après, j'ai travaillé plusieurs années en tant que soit intervenante, soit dans des spectacles. Mmh. Et c'est... Voilà. Alors, moi, je me pose la question en tant que personne qui ne connaît peut-être pas forcément le milieu et des échos qu'on en a. C'est compliqué comme milieu ? Est-ce que c'est de faire sa place, de trouver un employeur, de trouver... d'arriver à... de vivre, ça paraît bête peut-être comme question, mais de vivre de son métier, c'est compliqué ou pas dans ce domaine ? Ça dépend. après, ouais, c'est un métier où... bah, après, il faut avoir parfois du réseau, il faut avoir de la volonté et de l'envie. C'est sûr que c'est un milieu qui est très petit et où on est nombreux. Donc après, bah, c'est monter sa compagnie, c'est faire du spectacle, c'est après être soit intermittent, soit salarié de son association, avec bah, des problématiques qui sont forcément différentes. Bien sûr. Mais ouais, il faut avoir la niaque. Ouais, je pense effectivement. Donc voilà. Et ce... Ah, on a... On a une autre personne qui... Non, un intermittent du spectacle. qui nous rejoint. Un pur, un vrai. C'est vrai qu'on est rejoint. Il y a du monde là qui rentre dans la salle tout doucement. Donc, tu travaillais alors pour une compagnie pour... J'ai travaillé pour plusieurs associations, plusieurs compagnies, soit en tant qu'intervenante cirque, à donner des cours, des ateliers auprès de différents publics, ou j'ai travaillé avec une compagnie en tant qu'artiste sous chapiteau à se déplacer pour jouer ce spectacle-là. Ouais. J'ai eu plusieurs expériences et la vie a fait que je me suis arrêtée dans le choix et que, étant un peu plus grande et avec un peu plus d'expérience, j'ai voulu monter une association sur un territoire à la base que je connaissais pas. Ouais. Donc je me suis dit on va faire doucement. Mmh. On va d'abord proposer des ateliers pour voir si ces ateliers de cirque pourraient plaire. Et puis après, on voit ce que ça donne. Pour tout le public, pour un public de n'importe quel âge, ou tout de suite axé plutôt sur une certaine tranche ? On a démarré à partir de 4 ans jusqu'à 14 ans. Parce que il fallait mettre une limite. Mais la limite en soi, aujourd'hui... comme on explique, nous, on est prêts à travailler avec des plus grands, avec des adultes, avec un public spécifique. Ouais. Mais voilà, on a d'abord ciblé une tranche d'âge en se disant, on essaye. Et puis, en fait, ça a super bien répondu. Ouais. Les gens étaient vraiment contents parce que c'est un art qui est vraiment pas présent ici. Et ça a été une découverte pour à la fois pour les enfants, pour les familles Et c'est super passionnant, en fait, depuis 3 ans, de faire découvrir ça aux gens d'ici. Ouais, bien sûr. Donc, petit à petit, ben, y a plusieurs ateliers qui ont évolué, des écoles qui nous ont contactés, comme à Sorigny, ici. Ouais, c'est ça. Et puis, parce que on aime le cirque, on aime le spectacle, qu'on est aussi artiste certains jours, et ben on, l'envie est de faire découvrir aux enfants cet art-là et de leur montrer qu'il y a des gens qui vivent de ce métier-là et qui ont fait le choix d'être artiste de cirque. Et comme je disais tout à l'heure, ben, c'est un métier qui est passionnant, mais certains jours qui est compliqué, peut-être, où il faut se battre. Ouais, ouais. Et voilà. Et on a envie d'amener ça ici, de faire venir des compagnies et de que les rencontres et le partage entre les artistes et les habitants aient lieu. Voilà. Et donc, ça fait 3 ans maintenant ? Ça fait 3 ans, ouais. Et au cours de ces 3 années, comment ça a évolué ? Quelles sont aussi, après ces 3 années, les évolutions que tu aimerais y voir dans cette association ? Est-ce que ça va super bien ? C'est génial. Et puis, on est parti pour faire d'autres... Vous avez d'autres projets ? Ou comment tu le vois, ton avenir de... De plein de manières différentes, avec plein de chemins différents, ouais. Parce que des envies et des idées, j'en ai plein. Il faut même m'arrêter parfois et me dire stop, tu te calmes. des envies, j'en ai plein. C'est de faire découvrir davantage cette discipline. Comme je dis aux enfants, un jour quand je serai grande, j'aurai un chapiteau. Encore, je ne suis pas très grande parce que pour moi, le chapiteau, c'est une image particulière, c'est le symbole du cirque, c'est tout ce que ça représente. Et mon envie profonde, ça serait d'arriver au quotidien avec un chapiteau, avec un lieu, un chez-nous. Parce qu'on fonctionne de manière itinérante et cette itinérance-là, elle est importante et j'aime me déplacer, aller chez les gens et apporter quelque chose. Mais là, j'arrive au bout de 3 ans à une espèce de frustration où j'ai envie d'ouvrir la porte de chez moi et de leur dire venez, venez, c'est chez moi et venez rentrer et venez découvrir et n'ayez pas peur, poussez la porte sous le chapiteau, voilà. Et puis après, découvrir encore plus de compagnies. Comme The Omnibus Cirque est là, moi, c'est d'autres personnes avec leurs particularités. Et venez, puis que tout ce monde-là se rende compte, quoi. Et toujours dans cette optique de proposer des ateliers, ou alors au bout d'un moment, avoir son chapiteau et avoir ses propres représentations à soi. Ce sera en fait avoir un chapiteau, donc avoir un lieu où tu peux faire venir les gens, où tu peux faire tes ateliers, ou alors c'est aussi par la suite avoir envie d'avoir tes propres à toi, ta propre équipe, je sais pas, tes propres représentations. Les deux, on travaille en ce moment là-dessus, on travaille sur justement, on a envie d'avoir un chez nous, donc on essaye de le construire parce que c'est pas évident, parce que ça prend du temps. Et également, en dehors de ce projet-là, c'est la piste, le jeu nous manque, parce que je suis pas toute seule et il y a une équipe derrière moi et de l'envie de... j'aime et on aime, je pense, qu'on apporte aux enfants, mais là aussi il y a une espèce de frustration où maintenant j'ai aussi envie de retourner au jeu, de montrer, de jouer, mais je crois qu'il faudrait des journées de 48 heures en fait on arrive à un tournant de l'association, on arrive aux 3 ans où on arrive à dire voyez, on est un peu petit, mais on commence quand même à grandir maintenant. Et faites-nous confiance, surtout aux élus, surtout aux gens du territoire, en leur disant on a des envies. Et puis, faut que l'équipe, elle s'agrandisse. Je crois que tout à l'heure, tu as parlé avec Olivier et Marion. Faut qu'il y ait encore que la petite fabrique de cirque, elle ait encore d'autres personnes autour d'elle pour que les fondations, elles soient bien solides et que chacun puisse s'épanouir dans ses projets vis-à-vis de cette association-là, quoi. Justement, en plus, alors j'en parle parce que moi-même, étant faisant partie d'un service civique, T'as une volontaire donc en service civique? Oui, Marion est au sein de la petite fabrique depuis le mois de janvier. Ouais. C'était vraiment une volonté parce que j'aime cet échange, ce savoir. Mmh. Et pour moi, à un moment donné, d'avoir Marion et Olivier qui sont jeunes par rapport à moi, ça ne se voit pas à la radio, mais voilà, je le dis. Et de partager en fait quelque chose avec eux et le côté pédagogique et de former, d'accompagner. Ouais. Je trouve ça hyper hyper important. Mmh. Quoi, et de se dire où on est dans un monde où on carbure, on va à fond, et non, d'arriver à prendre le temps. Ouais. Avec des jeunes à côté. Mmh. Et de se dire ok, ben voilà, là, avant d'ouvrir aussi la porte aux gens qui sont autour, bah, viens à côté de moi. Ouais. Suis-moi, regarde comment ça se passe. Mmh. Vis ta propre expérience, et après ben t'en feras ce que tu voudras, mais voilà. Voilà, d'accueillir quelqu'un en service. Ouais. Civique, c'était vraiment ça aussi. C'était de viens à côté de moi, regarde, et puis prends ce que tu as envie de prendre. C'est ça, en fait. Bien sûr. Voilà. Et donc, à nouveau, il y aura pour la prochaine fois, à la fin du contrat, à la fin du volontariat de Marion, des possibilités d'avoir d'autres. Tu voudrais avoir encore d'autres services civiques qui viendraient? Tu en auras la possibilité d'en accueillir d'autres? Ou c'est une expérience que tu voulais tenter, voilà, et maintenant qu'elle a été faite, c'est bon? Non, ça se passe super bien, et ben voilà, Marion doit partir à un moment donné, je vais regretter, mais mais non, bien au contraire, ouais, d'accueillir encore. Ouais. D'autres personnes comme ça, parce que c'est hyper enrichissant la rencontre, et que oui, ouais, vraiment, je tiens à ça, j'ai. Mmh. Pas du tout envie que la petite fabrique soit quelque chose de fermé qui se passe. Oui, entre oui, nous. Oui, bien sûr. Non. Non, c'est non, non, ouvrir non. Le plus possible. Ouais. Le... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et non, j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Ouais. J'espère aussi. Donc, voilà. Bon, bah écoute, c'est super. Encore un petit mot, quelque chose, une petite précision, quelque chose qui te tient à cœur peut-être, je sais pas. Le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà. Comment dire dire aux grands de bien rester petits, surtout. Ouais. De jamais arrêter de jouer, parce que ça. Mmh. C'est hyper important, et d'essayer de prendre du plaisir et de s'amuser au quotidien. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Bah, c'est la devise. Si on arrive à suivre ça, ce sera déjà pas mal quand même. Voilà. Bon, bah je te remercie. Merci. Et puis à ma foi, au plaisir. Ouais. de revoir ce genre d'événement, et puis de vous avoir au micro, tout simplement. Ben merci. Allez, salut. Au revoir.